Radio Duo, 89.5 FM et radioduo.org. C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio. Samedi 25 janvier 2025, il est midi. Thierry pour vous accompagner jusqu'à 13h. Bonjour et bienvenue. Thelma n'étant pas disponible aujourd'hui, c'est Oscar qui est sur la feuille de match et qui assurera la partie technique et tactique durant cette heure passée ensemble. Ravi de vous rejoindre en tout cas pour vous présenter l'épisode 5 de Roulette Russe, l'émission musicale et mensuelle que vous retrouvez le 4e samedi du mois de 12h à 13h. Sur le 89.5 de la bande FM dans la région stéphanoise ou partout dans le monde sur le www.radiodio.org. Alors, pour celles et ceux qui découvrent cette émission, qu'est-ce qu'on écoute d'une façon générale dans Roulette Russe ? Autour d'une programmation majoritairement pop, rock, indie allant des années 70 à nos jours, vous retrouvez chaque mois une mini-parenthèse intitulée « Qualité France ». Et bien évidemment, quelques nouveautés soigneusement sélectionnées dans l'actualité du moment. Le tout parsemé de quelques bizarreries. Et si je vous dis que mon mentor, début des années 80, s'appelait Bernard Lenoir, ça doit vous mettre sur la voie. Mais je m'arrête là. Je ne veux pas tout vous dévoiler. Un seul mot d'ordre, cultivons ensemble nos différences et nos coups de cœur. Voilà, vous savez tout, ou presque. Alors. So, may we start? Alors les gars, on peut commencer? Demande poliment Ron et Russell Mael, plus connus sous le nom des Sparks. Roulette Russe, épisode 5, c'est parti! Lazily rise, but where's the stage you wonder? Quoi de plus rafraîchissant que le théâtral titre des Sparks pour débuter ce cinquième et premier épisode de Roulette Russe en 2025. Les Sparks qui n'en finissent pas d'innover depuis 1971 et le loufoque This Town Ain't Big Enough for Both of Us. Cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. En 2021, nous retrouvions les frères Ron et Russell Mael dans une collaboration avec Léo Scarrax baptisée Annette. Film musical coécrit, composé, arrangé et orchestré par les Sparks, avec derrière les micros un casting de haute volée dans lequel on retrouvait entre autres Marion Cotillard. Nous allons changer radicalement d'ambiance pour les deux prochains titres, avec tout d'abord une nouveauté 2025 des Lambrini Girls, un trio de punk rockeuses féministes en colère, originaire de Brighton, composé de Phoebe Looney au chant à la guitare, Lily Massiera à la basse et d'une batteuse anonyme cachée sous une cagoule. Les filles ont passé ces dernières années sur toutes les scènes d'Europe et des États-Unis et elles ont publié un premier EP en 2023, suivi de quelques singles qui ont fait sensation. Leur premier album studio, baptisé Who Let the Dogs Out, vient de sortir le 10 janvier dernier. Alors là, tout le monde a commencé par le fameux mâle blanc, en prend pour son grade, dans de réjouissantes cacophonies électriques, dépassant rarement 3 minutes. Et pendant que la lourde basse de Lily Massiera sature l'espace, c'est la manière dont Phoebe Looney projette sa voix, comme si elle voulait vous cracher au visage, passant d'un parler chanté fiévreux à de féroces grognements. Le titre que vous apprêtez à écouter comporte des propos féministes, wokistes, islamo-gauchistes, ainsi que quelques insultes gratuites en écriture inclusive. Il est donc déconseillé aux réacs, aux racistes, aux mascus fragiles, ainsi qu'aux fans de Bernard Arnault. Pour ceux qui seraient toujours là, Contology One to One, les Lambrini Girls dans Roulette Russe. Vous êtes à l'écoute de Roulette Russe, épisode 5. C'est fou ce que cette fille a mauvais genre. Elle est maquillée comme une poule. J'aime bien. Alors nous allons rester encore un peu dans le registre rock féminin engagé, énervé même, je dirais. À l'aube des années 90, sur la scène californienne ont émergé une multitude de scènes alternatives. Du hardcore, du punk, de l'industrial goth, du roots rocks, pour n'en citer que quelques-uns. Parmi tous ces styles, les L7 ne se trouvaient dans aucune de ces cases, et créant leur propre mélange de punk, de hard et riff de rock cradingue, elles préfiguraient ainsi que dans le son grunge, sur le fond de paroles parfois caricaturales, mais très souvent hyper engagées. Ce groupe impressionnait même Nirvana et tous leurs copains masculins à l'époque, et ils étaient considérés comme une véritable pierre angulaire du rock féministe de la décennie 90s. Nous allons maintenant écouter un titre extrait de Bricks Are Heavy, considéré comme l'album essentiel de la discographie des Californiennes, un concentré du meilleur des L7, témoin d'une époque aujourd'hui révolue. Tout de suite, Shitlist, les turbulentes demoiselles L7 sur Dio, la plus engagée des radios SNT. Merci, merci les Lambrini Girls, on en a pris plein les oreilles et plein les yeux pour ceux qui ont la chance de les voir sur scène. Ça déménage. Sans plus tarder, la rubrique que vous retrouvez chaque mois dans Roulette Russe, Qualité France, c'est parti. Normalement, vous y avez droit à la Qualité France. Ah oui? Ah, vous y avez droit, normalement, vous pouvez demander à la préfecture et normalement, oui. Vous avez l'estampille Qualité France. Ah oui? Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de Roulette Russe, épisode 5, comme 2025, sur le 895 de Dio. À l'instant, je croise aux hébrides. Cet extrait de Play Blessures, le quatrième album de Bachung en 1982. Alors après un Olympia triomphal et sa victoire au Bus d'Acier, qui est l'équivalent du Grand Prix du rock français de l'époque, Bachung déprime, pas à l'aise dans ses Santiago de crooner à succès, et il se sépare de son parolier Boris Bergman. Pour épicer ses maux, il fait appel à Gainsbourg, Serge acceptant pour la première fois de sa vie de co-signer. Nous sommes en août 82, un rendez-vous est pris pour qu'Alain et Serge, deux grands timides, se rencontrent. Et ça match, puisque les deux nouveaux amis prennent vite l'habitude de se retrouver dans une ambiance qui mêle Suze Perrier et Tequila avant de filer en studio en fin d'après-midi. En revanche, on comprend bien vite l'ambiance et l'état d'esprit au moment d'enregistrer. Extrait. Je m'incendie volontaire, tu cherches la lumière et c'est l'impasse. Comme une sorte de nos futurs avec quelques années de retard. Je crois aux hébrides que l'on vient d'écouter, comparé à la tonalité du reste de l'album, représente probablement la chanson la plus lumineuse. Bachung sur scène à l'époque, craignant d'être enfermé dans le cliché du chanteur à succès, refusait de jouer Gabi, il tournait le dos au public, téméraire, un brin suicidaire même. Le disque peinera à atteindre les 65 000 ventes, malgré les bonnes critiques et la qualité des textes du duo. Serge se tire et ne cherche même pas à recontacter Alain, ni même à prendre de ses nouvelles. En même temps, Gainsbourg était en passe de devenir Gainsbar. On va refermer cette capsule Qualité France avec deux autres amoureux des mots malheureusement décédés eux aussi. Une des plus belles voix et plumes belges associées à la plus juvénile des voix françaises et son accent so british. En 2002, il se retrouvait pour interpréter une subtile version d'Elisa, un titre composé par Gainsbourg en 1969. Alors Elisa, c'est Liz Levinsky que Serge rencontre en 1947. Il a alors 19 ans, elle en a 21 et elle sera sa première épouse jusqu'à leur divorce en 1957. À l'aube de la carrière du chanteur. Elisa, Arnaud et Jane Mirkin sur l'album Charles Ernest. Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou. Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts. Délicat dans la jungle de mes cheveux, Elisa, Elisa, Elisa, Elisa, saute-moi au cou, Elisa, Elisa, Elisa, cherche-moi des poux, fais-moi quelques anglaises et la reine. Au milieu, on a 13, 14 ans à nous deux. Elisa, Elisa, Elisa, les autres, on s'en fout. Elisa, Elisa. Rien que toi, moi, nous. T'es 20 ans, mes 40. Si tu crois que cela me tourmente, elle est vraiment bizarre. Saute-moi au cou, Elisa, Au jeu terrible de la roulette russe, il est très difficile de gagner à tous les coups. Néanmoins, afin de mettre un maximum de chances dans son camp, le joueur avisé aura tout intérêt à pratiquer de préférence ce sport délicat avec un imbécile. Betrays me, she said. 12h29 sur le 895 de Dio. À l'instant, nous venons d'écouter Patient Follower, My Body Betrays Me, She Said. Cet extrait de l'album Woke Up This Morning en 1989. Un groupe fondé sur les cendres d'Orchestre Rouge par le chanteur Theo Akola, musicien, homme de théâtre, écrivain américain, travaillant et résident en France depuis la fin des années 70. Avec la sortie de Fat Tuesday en 1986, le NME voyait en notre Américain de Paris le Baudelaire avec une guitare électrique. L'année 1988 voit la sortie du troisième album. C'est aussi l'année où Theo Akola présente un nouveau petit groupe à Barclay, répondant au nom de Noir Désir. Il produira leur premier album, Où veux-tu que je regarde ? L'année suivante, Patient Fodder quitte Paris et s'installe à Los Angeles. Ils enregistrent leurs deux derniers albums sur la côte ouest des États-Unis. À noter, tout au long du parcours discographique du groupe, les vraiment superbes pochettes de Ricardo Mosner, fidèle ami de Theo Akola. Donc, superbes pochettes que je vous invite à aller découvrir. On change complètement d'ambiance pour retrouver Sierra et Bianca Cassady, les prêtresses de la douceur aux sonorités hybrides, qui fêtaient en 2024 les 20 ans de leur incroyable premier album intitulé « La maison de mon rêve ». Un petit chef-d'œuvre adulé par la critique qui a donné naissance à 7 petits frères, tout aussi beaux et délicats que le premier-né. À l'heure de baptiser leur duo, elles optent tout naturellement pour leur surnom d'enfant, Coco pour Sierra, Rosie pour Bianca. Tout de suite, Restless, extrait de Put the Shine On. En 2020, c'est le 7e et avant-dernier album des sœurs Coco Rosie sur la plus champêtre des radios à Saint-Étienne. Jack of a job, and the story goes on. One day she'll find her dawn. Écoutez, laissez-nous un peu de démocratie dans ce pays quand même. Les téléspectateurs. Écoutez, jugeons. Mais oui, je peux pas parler. Thank you. seems spilled out of us. We fooled ourselves for too long. We fooled ourselves. Vous êtes bien calé sur le 895 de Dio, toujours à l'écoute de Roulette Russe, épisode 5 jusqu'à 13h. À l'instant, Can't Fool Me Now, extrait de l'album de 2013 It's Up to Emma, le folk dépouillé et écorché d'Emma Louise Niblett, plus connue sous le nom de Scoot Niblett. Cette Anglaise vit depuis plusieurs années dans la bohème de Portland, dans l'Oregon, et donne naissance à des chansons de blues criées à la beauté sauvage et bouleversante, comme celle que l'on vient d'écouter. Alors, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Thelma, la technicienne habituelle de Roulette Russe, qui nous a lâchés pour l'émission d'aujourd'hui, mais qui est remplacée de main de maître par Oscar, que je salue derrière la vitre, qui assure la production de cette émission comme s'il avait fait ça toute sa vie. Nous poursuivons dans ce programme musical pas comme les autres avec le comeback des Anglais de Slowdive il y a presque 2 ans. Tenant discret du style shoegaze dans l'ombre de Ride et de My Bloody Valentine, le groupe originaire de Reading opérait un remarquable retour 22 ans après une première dissolution. Groupe à la fois culte et relativement méconnu du grand public, mais facilement identifiable par sa musique atmosphérique, ses guitares saturées, ses chœurs éthérés. En 2023 donc, la formation bercée par les voix spectrales de Rachel Goswell et Neil Halstead retrouve la brume du shoegaze pour écrire une nouvelle page de son histoire débutée en 1989. Mais comme toujours dans ce cas de figure, nous sommes en droit de nous poser la question. Un groupe mythique doit-il se reformer et plus encore prolonger sur disque son œuvre au risque de la diluer? Je vous laisse seul juge tout en écoutant Kisses, extrait de Everything is Alive, Slowdive dans Roulette Russe. Maybe it's Là, tu crois que c'est fini, mais pas du tout. Notre homme ressurgit, et ça repart pour un tour. Et 53 minutes sur le 895 de Dieu Roulette Russe, épisode 5. À l'instant, Unless, le joyau d'une finesse absolue, extrait de Pacific Street, le premier album des Pale Fountains sorti en 1984, et qui a toujours intrigué pour la légende autour de sa magnifique pochette. Alors la légende, c'est Michael Head lui-même, le leader des Pale Fountains, qui l'avait lancé. Cette photo, disait-il, a été prise durant le soulèvement hongrois contre l'URSS en 1956 et le soldat a cet étrange regard, car juste au moment où il prenait cette image, le photographe était tué par une balle perdue. Sur le plan musical, l'histoire retient qu'au cœur de Liverpool et en pleine mouvance post-punk, quatre jeunes musiciens osent l'improbable en sortant un album éclectique empreint de romantisme, de légèreté et de luxuriance. Une arabesque de guitare, cuivre, violon, trompette, chœur et tonalité bossa nova sont réunies dans une improbable association. On est ici bien loin des sonorités cold et new wave ayant la côte outre-manche en pleine décennie 80s. Avec sa voix défaible, légère et généreuse, Michael Head nous caresse l'oreille. La trompette d'Andy Jagram casse les codes musicaux de l'époque et nous propulse vers d'autres horizons. Oui, mais voilà, l'album n'a pas rencontré son public. La critique avait pourtant salué la remarquable originalité de l'ensemble et le NME avait même cité Michael Head comme l'un des plus grands songwriters anglais de l'époque. Après le deuxième album baptisé From Across the Kitchen Table, le groupe entrera dans une phase de doute, de disputes, de paradis artificiels non maîtrisés, et la chute sera brutale. Mais il est bientôt l'heure de se quitter. Avant tout, pour boucler ce programme du jour, nous allons écouter le duo Mickey Bereny de Lush et Jarvis Cocker de Pulp, associé sur un titre de l'album Love Life, troisième et dernier album studio des londoniens de Lush en 1986. C'est une époque où le groupe s'éloignait de son style shoegazing antérieur et adoptait un son plus orienté Britpop. Écoutons ça. Tout de suite, ciao, Lush et Pulp réunis dans Roulette Russe épisode 5 sur Dio, la plus fédératrice des radios stéphanoises. Ecstasy. Well, I've been Bientôt 13h à l'écoute de Roulette Russe, il va être l'heure de rendre l'antenne. On se quitte sur le thème Twin Peaks d'Angelo Badalamenti, en hommage bien évidemment à David Lynch décédé cette semaine. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette heure de musique pas comme les autres que Oscar et moi en avons pris à préparer et animer cette émission. Un grand merci à Radio Dio pour nous confier chaque mois les commandes du studio en toute liberté. Un grand merci à Oscar, à la technique aujourd'hui et peut-être pour de prochaines émissions si Thelma nous fait à nouveau faux bond. On lui fait une bise de loin. Et enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, qui avez suivi cette émission modeste, mais néanmoins géniale. Roulette Russe vous donne rendez-vous, comme d'habitude, le 4e samedi du mois, et plus précisément le samedi 22 février prochain, de 12h à 13h, comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous, et surtout, prenez du plaisir en écoutant de la musique. Caresses et bis à l'œil. Rendez-vous à demain matin pour notre prochaine émission. Reprenez l'écoute à 11h. Radio Dio, Radio Dio, 89.5 FM. Dan suko pai batanda.